La lettre, partie 2. Прослушайте текст и объясните, почему отец не поехал на отдых со своей семьей. Mon cher Christian, merci pour ta lettre. J'ai été content d'apprendre que tout va bien. Ta mère a raison. 3 euros, c'est vraiment trop cher pour 2 minutes de ski nautique. Je suis sûr que tu peux trouver autre chose à faire. Je suis content aussi d'apprendre que Bernard fait des progrès en crawl. Mais dis-lui de ne pas aller trop loin sans toi. Je suis sûr que tu vas beaucoup aimer ta journée sur le bateau américain. Il y a 20 ans, j'ai passé mes vacances sur un grand bateau à voile. Un mois en mer, c'est une expérience tout à fait unique. Mais je t'en ai déjà parlé, je suis sûr. J'ai parlé à la concierge hier et tout est arrangé. On va garder Napoléon. Dis à ta mère que le plombier est venu ce matin et que tout marche bien maintenant. Dis-lui aussi que tante Jacqueline a téléphoné hier soir et qu'elle va peut-être aller vous voir le 20 ou le 21 juillet. Elle va vous écrire bientôt pour vous dire ce qu'elle a décidé. Tu dis qu'il fait beau là-bas. Vous avez de la chance. Ici, il pleut et il fait froid. Je travaille tard le soir et quand je rentre, je trouve l'appartement bien vide sans vous trois. J'ai hâte d'être avec vous, mais le 1er août est encore loin. Je compte sur toi pour être gentille avec ta mère. Elle a droit à des vacances, elle aussi. C'est toi l'homme de la famille quand je ne suis pas là. Je t'embrasse, papa.